Umzar par Isabelle Eberhardt. Dans la vaste chambre basse aux murailles irrégulières en argile jaune, on avait couché la mère sur une natte. On l'avait recouverte d'un voile bleu sombre qui dessinait en des angles raides la forme immobile. Elle était morte. À côté, dans une petite lampe de terre de forme antique, une mèche brûlait, et la petite flamme falote, étrange, éclairait d'un jour douteux les murailles où oscillaient de grandes ombres funèbres. Accroupies sur la natte, plusieurs femmes se lamentaient avec un balancement rythmique de leur corps maigre. C'était la veillée mortuaire. Dans le grand silence mystique de l'oasis, seule cette voix lugubre retentissait, s'étendait de très loin et troublait les âmes superstitieuses et sombres des Rouaras. Parmi les femmes, il y avait Umzar et Messaouda, les deux filles de la défunte. Umzar était l'aînée. Elle avait 12 ans et son père lui cherchait un mari. Mais elle était triste. Grande et svelte sous ses voiles bleues, elle semblait l'incarnation de l'âme étrangement tourmentée et assombrie de cette race métisse de Louedrir, mélange de berbères et de nègres sahariens, sur laquelle la tristesse immense et les effluves hallucinantes et fiévreux de leur pays a jeté à jamais une ombre morne. Umzar avait un visage ovale et régulier d'une teinte bronzée très foncée. Ses yeux étaient trop grands et leur regard avait à la fois une fixité et une ardeur inquiétantes. Depuis toute petite, elle ne se mêlait jamais au jeu de ses compagnes et passait des journées entières à l'ombre chaude, dans l'humidité fiévreuse des jardins inondés d'eau salée, où le salpêtre dessine des arabesques singulières sur la terre rouge isolée des canaux. Mais Saouda, plus blanche, plus douce, était dans sa 11e année. Rieuse et légère, seule la grande épouvante de la mort avait pu l'assombrir pour un temps, et elle se lamentait là, tremblante. L'âme des Rouaras n'est point semblable à l'âme arabe. La grande lumière de l'islam n'a pu dissiper les ténèbres de la superstition et de la terreur mystique dans ce pays où tout porte au rêve morne. En présence de la mort, le riri n'a pas la résultation sereine de l'arabe, et pour lui, le tombeau n'est point un lieu de repos que rien ne saurait plus troubler, un acheminement radieux vers l'avenir éternel. De l'antiquité païenne, ces peuplades primitives ont conservé la peur des ténèbres et des fantômes, l'épouvante des choses de la nuit et de la mort. Mais Umzar semblait sentir plus profondément cette terreur sombre, et ses prunelles d'or bruni se dilataient étrangement. Toutes les deux, cependant, sentaient bien qu'elles avaient perdu le seul être qui les avait aimés, qui s'était penché pitoyable et doux sur leur enfant de petite bédouine pauvre, assujettie presque dès leurs premiers pas aux rudes travaux de la maison, sous l'autorité toute-puissante du père, toujours sombre et impénétrable, qu'elle voyait rarement, car ils travaillaient au dehors dans les jardins et devant qui, comme leur mère, elles avaient appris à trembler. Et dans la nuit chaude, dans le silence lourd, Umzar et Messaouada pleuraient, inconscientes presque encore, le seul rayon de soleil, le seul semblant de bonheur qui soit donné à une femme bédouine, l'amour de la mère douloureuse et idolâtre, plus violent, plus immense que chez toutes les autres femmes. Leur père était parti la veille pour les jardins, laissant aux femmes le soin de pleurer celles qui n'étaient plus. L'avait-il aimée? Peut-être El-Hadj Saad lui-même n'eut-il pas su le dire. 15 années durant, pourtant, elle avait été pour lui une esclave soumise. Elle certainement l'avait aimée, avant son premier enfantement. Après, tout son amour s'était reporté sur sa fille, Umzar, la petite consolation, la compagne intelligente, si vite femme dans la tristesse ambiante. Puis, Messaouda était venue jeter dans la vieille maison d'argile une lueur de joie, la joie naïve des petits oiseaux simplement heureux de vivre. Maintenant, Umzar et Messaouda serviraient leur père seul. Puis, l'une après l'autre, il les donnerait à des hommes que lui-même aurait choisis et dont elles deviendraient les servantes. Puis, pour elles aussi, se lèverait le grand jour de la maternité. Et ainsi toujours, de génération en génération. Le jour se leva enfin, limpide, et des lueurs roses se glissèrent sur les cimes bleuâtres de dattiers, sur les murailles aux creuses, sur le sol salé, lépreux, de l'oasis d'Ourlana, dans l'Ouedrir. Alors, laissant les femmes continuer leur plaint dans la chambre où la petite lampe de jadis finissait de mourir, Umzar et Messaouda sortirent dans la cour et la place traditionnelle où leur mère avait laissé un morceau de cendre grise, elles rallumèrent le feu du foyer. Il fallait préparer le café, car le père allait rentrer. Mais Saouda plissa soigneusement les gants noirs blanches, le turban de mousseline et le burnous neuf de son père, et les posa sur une natte propre, dans une petite chambre haute, où l'on accédait par quelques marches de terre. Le père s'habillerait pour l'enterrement. Après, ils attendirent, mornes. Et El-Hadj Saad entra. Il était grand et mince comme tous les rouaras. Il pouvait avoir 40 ans et son visage allongé et sec avait une expression fermée et sombre. Il s'assit dans la cour sur une natte. Umzar lui présenta le café en silence. Puis il monta s'habiller. Pas une parole ne fut échangée dans la demeure où était entrée la mort. Avant les heures accablantes du milieu du jour, les hommes emportèrent sur un brancard le corps raidi de la mère. Dès qu'ils furent devant la porte, El-Hadj Saad ordonna à ses filles de se retirer dans la chambre haute et de baisser le rideau. La mère partit, accompagnée par le chant cadossé des tolbas, qui disait sur elle, insensible, les paroles de promesse et d'éternité. Après, tout rentra dans l'ordre monotone. Chaque matin, les jeunes filles se levaient à l'aube et, après avoir fait le déjeuner modeste du père, elles s'accroupissaient devant le moulin à bras primitif qu'elles mettaient en branle au moyen d'un bâton, et pendant des heures, elles tournaient la pierre lourde avec un chant très bas, monotone comme leur existence. Depuis la mort de la mère, Umzar avait encore maigri, et le feu étrange de son regard s'était encore assombri. Mais Saouda, après avoir beaucoup pleuré, avait semblé s'accoutumer au grand vide de la maison, où, elle le savait, une marâtre viendrait bientôt sans doute. Dans un coin écarté de l'oasis, sur la route de Sidi Amran, il est une sorte de clairière entourée de jardins. Au milieu, une kouba en argile s'élève, irrégulière et étrange, un cube jaunâtre surmonté d'un dôme allongé et pointu en haut. Aux quatre coins des murs et au sommet du dôme, déformant ainsi cet édifice de l'islam, des figures barbares, grimaçantes, sont placées, forme léguée par l'antiquité fétichiste. À l'entour, quelques tombeaux également en terre marqués par une branche tordue et noire de buisson saharien ou des chiffons multicolores, ex voto sauvages, s'effilochauvant, déteignent au soleil. Là, à l'ombre protectrice de la kouba, on avait mis Elula, la mère d'Umzar et de Messaouda. Elle-même avait pétri en argile eau creuse une sorte de monument fruste, un tertre allongé, terminé à chaque bout par une tuile dressée. Et tous les vendredis, elle venait, se tenant par la main, visiter leur mère. Elle s'accroupissait et regardait en silence la terre des loulas. Où étaient-elles? Les voyaient-elles? Quand elles avaient du chagrin, quand leur père les avait battues, elles venaient là et tout bas comptaient leur peine. Un jour, quand elles vinrent, elles trouvèrent, assises près de la tombe, une femme inconnue, vêtue de haillons sombres, qui tenait sur ses genoux un enfant d'environ 1 an, enveloppé dans des loques. Cette femme était d'une maigreur surprenante, très jeune encore, et elle eût été belle, sans le regard fixe, comme enfiévré, de ses énormes yeux noirs, et le désordre sauvage de ses cheveux très longs, à peine retenus sur sa tête par un chiffon noir. Mais Saouda, effrayée, se serra contre sa sœur, mais Umzar fixa son regard sérieux sur l'étrangère et lui dit « Qui es-tu et que fus-tu là près de notre mère ?» La femme ne répondit pas, mais levant ses bras maigres au-dessus de sa tête, elle clama ce seul mot « Orpheline, orpheline, orpheline, elle est folle, c'est une maraboute !» murmura Massaouda, qui tremblait de tous ses membres. Dans le Sahara, les fous inoffensifs vivent et errent en liberté. Ils sont innombrables et ils jouissent de l'amour et la vénération du peuple. Cette femme n'avait ni le type ni l'accent de louer de rire. « D'où es-tu ? » continua Umzar. « Loin. Es-tu du Souf ?» l'inconnu hocha la tête. « De Biskra ?» elle répéta le même geste négatif. « Elle ressemble à Saharia, la sage-femme qui désouait à mort des Ibans, » murmura Messaouda. Umzar s'était approché. Cette créature étrange, effrayante, l'attirait singulièrement. Attachée dans un coin du voile, Umzar avait un morceau de galette. Elle le tendit à l'étrangère et s'assit en face d'elle, tout près. « Dieu est le plus grand, » dit la femme, et elle commença à manger. « Comment t'appelles-tu ? » demanda la jeune fille après un long silence. La femme comprit. « Keltoum ! » Sa parole était brève et saccadée, sa respiration haletante. L'enfant semblait dormir d'une effrayante maigreur. Puis elle se leva, et d'un pas rapide, mais mal assuré, elle s'en alla. Depuis ce jour, Umzar devint encore plus silencieuse et plus sombre. Parfois, la nuit en dormant, elle bondissait en poussant de grands cris. « La femme t'a ensorcelée, » disait Messaouda, qui maintenant avait peur d'Umzar. El Hadj Saad, remarquant enfin la maladie de sa fille, envoya Messaouda quérir la sorcière du village Saharia. La vieille hocha la tête, et quand Messaouda lui eut dit leur étrange rencontre, elle dit « Elle a ensorcelé la jeune fille. À présent, elle est là-bas, à Ayela. » Et elle a jeté le trouble et la frayeur dans l'oasis. On dit qu'elle erre la nuit dans les cimetières en poussant des hurlements lugubres. On dit aussi que l'enfant qu'elle porte est mort depuis longtemps et que c'est par ses sortilèges qu'elle empêche le corps de se corrompre. Elle est venue de l'ouest, du pays de Metlili, seule et à pied, derrière une caravane de Mozabites. Saharia était une petite ville très insinuante, très douce, bien raisonnable. Mais elle avait beau prodiguer à Umzar des caresses. La jeune fille éprouvait pour elle une violente répulsion et refusait même de lui adresser la parole. De tout temps, El Hadj Saad, qui regrettait amèrement de ne pas avoir de fils, l'honneur et la gloire du foyer patriarcal, avait préféré Umzar. « Elle a l'intelligence et le courage d'un homme, » disait-il, et il était très affligé de la voir malade. Cependant, El Hadj Saad avait résolu de se remarier. Peut-être cette fois Dieu bénirait-il son union et lui donnerait-il un fils. Depuis qu'Umzar avait appris qu'une étrangère allait entrer dans la famille, elle s'était encore assombrie. En son cœur étrange, un amour infini pour la mère morte était né, et la venue de l'étrangère lui semblait une injure. Elle porterait les robes de la défunte, elle prendrait sa place au métier à tisser les burnous, elle trairait la chèvre, elle sécherait les dattes, et elle battrait Umzar et Messaouda, car elle serait leur marâtre. À cette idée, le cœur d'Umzar se remplissait d'amertume, et très étrangement, elle se mettait à songer à Keltoum. Elle avait trouvé cette femme près du tombeau de sa mère, donc c'était elle qui l'avait envoyée, et la pensée de la folle ne quitta plus Umzar. Un jour, Messaouda lui demanda timidement à quoi elle pensait durant ces journées de silence qui assombrissaient la vieille maison caduque. « Je pense à ma mère Keltoum, » avait répondu Umzar, et Messaouda était restée interdite à elle. La folle inspirait une terreur profonde. El Hadj Saad demanda et obtint la fille d'un voisin, Saadia, et la noce fut fixée au Mouled, l'anniversaire de la naissance du prophète, en août. Il restait encore 15 jours jusqu'à cette date, mais Umzar ressentit une émotion douloureuse, et le soir, avant le coucher du soleil, elle s'en alla au tombeau. Elle était grande et ne devait plus sortir, mais quand son père avait essayé de l'empêcher d'aller visiter la tombe de sa mère, elle était tombée à terre avec un grand cri, et pendant une demi-heure, elle s'était roulée avec des contorsions terribles. Alors Saharia avait dit à El Hadj Saad que sa fille était atteinte du mal sacré, et qu'il ne fallait plus l'empêcher. Elle était devenue maraboute. Depuis le petit cimetière mélancolique, la vue s'étendait très loin dans la plaine désolée où les sepkas salés jetaient des taches blanches, limpides sur le sol humide. Sous les palmiers, la séguia salée, les canaux qui fertilisent l'oasis et qui engendrent la fièvre et les visions, murmuraient doucement, dans l'ombre et le mystère de la futaie sombre, enclose de murs en argile. Umzar s'était assise près du tertre et la joue appuyée sur sa main était demeurée immobile, mais un balbutiement à peine distinct remuait ses lèvres. « Mère, mère, petite mère amie, où es-tu allée? Pourquoi as-tu laissé orpheline ta petite fille Zahira ?» Et par moments, entre ses sanglots et ses phrases sans suite, l'on eût pu entendre le nom de Keltoum. Très étrangement, dans l'imagination de l'enfant, l'image de Keltoum s'était mêlée à celle de la morte, et en l'appelant Keltoum, Umzar croyait voir apparaître celle qu'il avait bercée et aimée. Soudain, sortant de derrière la muraille en terre, Keltoum parut, portant son nourrisson lamentable. Elle s'avança vers Umzar et la prit par la main. Comme en rêve, la jeune fille se leva et suivit la folle qui l'entraîna hors de l'oasis, sur la route des grands chaudes salées. Sous un ciel presque noir d'hiver où traînent des nues déchiquetées d'un gris trouble, s'étendent les dunes livides de l'Oued Souf, où coulent les sables morts, ne participant plus que de la vie capricieuse des vents. Au milieu d'un chaos de montagnes aux formes arrondies comme les dos immenses de monstres accroupis, dans une petite vallée stérile et grise, une couba étrange s'élève, caduque et penchée. Étroite et haute, avec son dôme pointu, elle est presque noire déjà. Elle a pris la teinte sans âge des constructions du souffle. C'est le tombeau d'un saint oublié là, dans ce pays funèbre. C'est le couba de Rezer Zemul Geblawaya. La nuit glaciale achève de tomber sur ce site figé, et un grand silence règne là. Cependant, contre la muraille, il y a Keltoum et Umzar. La première était accroupie près d'elle, Umzar était couchée de tout son long. Keltoum ne portait plus l'enfant mystérieux, dont elle n'avait révélé le secret à sa compagne. Maintenant, Keltoum, qui semble ne pas sentir le froid glacial et le vent qui pleure dans la dune, poursuit là son rêve noir. Depuis des mois, elles errent ainsi toutes deux à travers le désert, vivant de la charité des croyants, mais silencieuses. Dans l'âme d'Umzar, très vite, les ténèbres s'étaient faites, et dans les solitudes où elles erraient, des scènes effrayantes avaient eu lieu. Elles avaient eu ensemble des accès terribles du mal, dont Keltoum avait le pouvoir redoutable de semer les germes sur son chemin. Une nuit, dans le grand désert salé du Chaut Melriri, l'enfant avait fini de mourir, et Keltoum avait creusé une fosse avec ses ongles dans le sol salpêtré et mou. Toutes ces dernières journées, une toux affreuse n'avait cessé d'agiter la poitrine desséchée d'Umzar, et à l'endroit où elle crachait, le sable se teignait en rouge. Maintenant, elle ne toussait plus, et sa respiration haletante et rauque ne s'entendait pas. Elle reposait, paisible. Keltoum, qui semblait ne pas sentir la morsure cruelle du vent, poursuivait son rêve noir. Soudain, par une de ces pensées incomplètes sans suite qui dirigeaient son existence à peine humaine, Keltoum se leva et appela « Umzar ! Umzar !» La jeune fille garda le silence, alors la folle se pencha sur elle et la toucha. Umzar était morte. Keltoum s'agenouilla, et comme elle l'avait fait pour son petit, sans larmes et sans paroles, elle creusa avec acharnement, comme une bête, dans le sable. Quand la fosse fut assez profonde, elle se leva, prit Umzar et l'étendit au fond. D'un geste brusque, elle ramena un pan du voile bleu sur le mince visage douloureux. Sous l'or bruni des grands yeux étrangement adoucis, largement ouverts dans la nuit. Puis elle rejeta le sable très vite, sur le corps et de ses pieds nus. Elle le tassa. Puis, sans même se retourner, elle s'en alla, à travers le vent et la nuit, vers l'inconnu. C'était Umzar par Isabelle Eberhardt.